Chapitre 9. Une nuit au château de la peur. J'aurais bonne envie, mes enfants, de vous faire une description horrible, effroyable, hideuse du château de la peur. Le sujet prête assurément, mais je suis esclave de la vérité. Et d'ailleurs, l'imagination l'a construit de telle sorte que chacun le voit sous un aspect différent. Je puis cependant vous en dire quelques mots. Le château de la peur ne s'aperçoit que la nuit. C'est à grand-peine que sa silhouette se fait plus noire que le ciel. Si la lune se montre, ce n'est qu'avec de méchants dessins, et afin de faire mieux ressortir quelques hideuses combinaisons de lignes. Les pierres ont la lèpre, et les serpents qui les habitent ont l'air de ver qui les ronge. La vie est représentée là par le rebut de la création. Orfraie, couleuvre, scolopendre, rats, scorpions, crapauds, cloportes et hiboux. On se demande cependant comment cette sale engeance daigne habiter un pareil cloaque. Ceux qui, pour leur malheur, ont cette vision sinistre, distinguent une rangée de tourelles dépareillées, en partie détruites par le temps, et assez semblables à la mâchoire en ruine de quelque ogresse cette fois centenaire. Le château de la peur est le plus vieux de tous les châteaux. S'il est debout, c'est un miracle. La brise même est de force à l'abattre, et cependant il est éternel. Chacun de nous a dans sa vie une heure à laquelle il lui est apparu. Les plus braves avouent lui avoir rendu visite. Mitaine découvrit sous le lierre une petite porte basse. Le bois était vermoulu, les ferrures étaient rouillées. Une limace bavait sur le heurtoir. Le fronton circulaire abritait plusieurs couvées d'oiseaux de nuit qui délogèrent en manifestant leur mauvaise humeur par des croassements funèbres. L'enfant poussa la porte qui résista. Elle frappa du pommeau de son épée et des gémissements lui répondirent. Pendant plus de 10 minutes, elle s'épuisa en vain pour forcer l'entrée. Alors, perdant patience, Mitaine donna un vigoureux coup de pied qui fit craquer le bois, brisa la serrure, décella les gonds et renversa l'obstacle à l'intérieur. Puis elle entendit un grand bruit et ressentit une vive douleur. Les pierres du fronton s'écroulaient, lui meurtrissant les épaules au passage. Bien lui en prit de n'avoir pas eu peur. Elle eût été broyée si elle avait reculé. Un formidable amas de décombres barrait la porte. Quand le temps se met à démolir et que le hasard l'aide à faire quelques barricades, ils s'y prennent si bien tous deux que les plus habiles en cette matière n'ont qu'à s'incliner et à admirer. « Ah ça, pour qui me prend-on ici ?» se dit la petite avec humeur. « Croit-on par hasard que je veux fuir ?» Voilà de bien impertinentes précautions. Mitaine était au bas d'un escalier étroit qui montait en spirale jusqu'au sommet du château. Les murs, couverts d'une mousse spongieuse, filtraient une buée puante qui, coulant sur les degrés, y faisait germer des forêts vierges de cryptogames, de lycopodes, de lichens et de champignons vénéneux, dont les cloportes et les larves étaient les heureux habitants. Sur la première marche était assis un crapaud lumineux. De lui venait une pâle clarté, la seule qui permit de se guider dans cet horrible passage. Il se leva comme eût fait un kangourou ou une sarigue et gravit l'escalier, laissant après lui sur chaque marche une ampoule visqueuse qui crevait aussitôt en répandant une odeur fétide. Mitaine suivit ce guide phosphorescent. Elle entendit un bruit sourd qui accompagnait chacun de ses pas et vit en se retournant crouler l'un après l'autre tous les degrés sur lesquels elle avait posé le pied. « On tient décidément à me garder ici ? J'avoue que j'aurais de la peine à m'y décider. » Le crapaud marchait toujours à l'avant-garde. À la 60e marche, il s'arrêta. Personne ne parut, et cependant une porte s'ouvrit. Le guide se remit en route, et Mitaine continua à le suivre. Elle se trouva dans une immense galerie éclairée par la lune. Ranimée par le grand air qui lui frappait le visage, par l'aspect de la campagne qu'on entrevoyait au loin par-dessus le balcon, l'enfant crut sortir d'un tombeau. À sa gauche, un mur blanc, et de distance en distance, de larges portes ouvertes à deux battants. À sa droite, une longue suite de colonnes et d'arcades qui projetaient leur ombre sur le parquet et la muraille. Et devant, le crapaud qui s'en allait toujours scintillant, sautillant, laissant après lui une traînée gluante et argentée. Quand Mitaine mit le pied près de la première colonne, la colonne s'écroula. Sur le piédestal, elle vit un mort, debout, enveloppé dans son linceul et tenant à la main un cierge allumé. Le mort descendit, la laissa passer et vint prendre place à sa gauche. La seconde colonne s'écroula à son tour. Un mort mit pied à terre et se plaça à sa droite, tenant aussi un cierge allumé. Il en fut de même jusqu'au bout de la galerie. Seulement, l'attention de notre petit page fut distraite par ce qu'il aperçut en passant près de la première porte. Il vit une salle immense dont l'aspect lui donna le vertige. Tour à tour, sombre ou lumineuse à l'excès, on eût dit qu'elle était éclairée par un gigantesque brasier auquel un soufflet de forge donnait alternativement la vie et la mort. Cette clarté intermittente était insupportable, et Mitaine fut quelque temps comme aveuglée. Elle entendit des gémissements et finit par distinguer des milliers de malheureux, les mains attachées derrière le dos, les articulations brisées, pendues aux voûtes par les poignets. Son cœur fut rempli de pitié et de colère, et elle allait s'élancer pour leur porter secours quand elle remarqua que la salle n'avait pas de plancher. Un gouffre au fond duquel grondait un torrent était béant sous les pieds des victimes. Elle détourna la tête, essuya une larme et continua son chemin. Chaque porte devant laquelle elle passait lui laissait voir de nouveaux supplices, et l'impuissance dans laquelle elle se trouvait de soulager ses douleurs la mit dans un tel état de rage que, ne sachant à qui s'en prendre, elle s'élança l'épée haute sur le lugubre cortège qui l'environnait. Mais elle ne rencontra partout que le vide. Les morts indifférents poursuivirent leur chemin sans presser, sans ralentir le pas. Alors la fureur de Mitaine fut à son comble. Elle courut au hasard à la recherche d'un adversaire. Le crapaud prit le galop et les morts, conservant leur distance, glissèrent sur les dalles sans faire un mouvement. Au bout de la galerie, une porte s'ouvrit en grinçant et se referma dès que l'enfant en eut franchi le seuil. L'obscurité était complète. Il fallut s'arrêter. Les flammes mortes des cierges allaient et venaient dans la nuit sans répandre aucune lueur. Elles ne tardèrent pas à former un cercle immense au milieu duquel dansait le crapaud. L'animal fit un bond de 10 pieds pour le moins, et Mitaine remarqua qu'il se gonflait démesurément. Plus il grandissait, plus la salle se remplissait de lumière. Le monstre commença alors à faire le beau, à se balancer avec des clignements d'yeux pleins de prétentions. Puis, ses minauderies terminées, il entreprit sa toilette et se mit à se gratter, lançant à chaque coup de patte des gerbes de venin et d'étincelles. La salle dans laquelle Mitaine venait d'entrer était la plus grande du monde. On eût dit un carrefour auquel venaient aboutir de larges voies qui toutes se perdaient dans l'obscurité. Le plafond, assez bas, était soutenu par d'énormes cubes de granit dont le sommet était orné de bas-reliefs représentant les scènes les plus variées de la danse macabre. Au pied d'un des piliers, sur une colonne brisée, reluisait le crapaud, effroyable soleil venimeux. En face, sous un dais de serge noir brodé d'argent, se tenait le sire de la peur et sa famille. Dans toutes les galeries, des spectres immobiles attendaient les ordres du maître. Le trône était en bois de tremble. Il n'était pas aisé d'en approcher. Des oubliettes, des trappes, des pièges en défendaient l'abord. Le seigneur de la peur était debout. À ses côtés était assise noble dame couarde de Sainte Panique, son épouse. Autour d'eux se tenaient leurs filles, la crainte, la frayeur, la terreur, l'alarme, l'épouvante, l'appréhension, la faiblesse, la timidité, la pusillanimité, la poltronnerie et la lâcheté. Toutes étaient difformes, et l'habitude qu'elles avaient de chercher à regarder à la fois de tous les côtés de crainte, de surprise, les faisait loucher à qui mieux mieux. Elles étaient laides et mises à faire peur. Le seigneur était de grande taille, mais il se tenait voûté, la tête enfoncée entre les deux épaules. Ses cheveux hérissés avaient blanchi prématurément. Ses yeux creux ne restaient jamais une seconde en repos, scrutant toutes les ombres, toutes les profondeurs. Son visage osseux, pâle et mat comme la cire, était marbré de plaques verdâtres. Ses lèvres violettes, sans cesse agitées par un tressaillement nerveux, cherchait en vain à siffloter un air de bravoure. Sa main inquiète palpait sa cuirasse, son épée, son poignard, pour s'assurer qu'il ne lui ferait pas défaut en cas de besoin. Une sueur glacée inondait son front et ses tempes, bien que la fièvre le brûlât. Ses dents claquaient, et à chaque instant, un frisson terrible agitait sous son manteau couleur de muraille les armes défensives dont il était couvert. Chaque fois qu'elle entendait ce trémolo d'acier, Dame Couarde bondissait effrayée et regardait de tous côtés si elle n'avait rien à craindre. Elle était assise sur le bord de son trône, ses deux mains posées sur les accoudoirs, de façon à être toujours prête à s'élancer et à fuir. Ainsi que ses filles, elle était vêtue d'étoffes à reflets changeants. Sur ses genoux, un lièvre était couché. « Ce petit page est gentil à croquer, » dit tout bas la faiblesse à son père. « Ne le maltraitez pas trop. » « Vous voilà bien encore avec vos niaiseries. Vous n'avez pas de caractère, » interrompit l'alarme. Si l'on vous écoutait jamais, Dieu sait ce que nous deviendrions. » Sans doute, reprit la lâcheté, il faut à tout prix se débarrasser de cette petite virago, et je suis certaine qu'en l'attaquant par derrière. Je crains bien que notre dernière heure ne soit venue, dit en pleurant l'appréhension. Vous êtes toujours la même, dit l'alarme, vous jetez sans cesse le manche après la cognée. Ah ça, pourquoi ne dites-vous rien, ma sœur? Dit la lâcheté à la timidité qui se tenait à l'écart. « Faites aussi connaître votre avis. »« Moi, mais je ne sais pas, » balbutia la timidité qui bégayait. « Vous ne savez jamais rien, » reprit la lâcheté en se sauvant après avoir pincé sa sœur jusqu'au sang. La pauvre timidité poussa un cri qui fit bondir d'effroi toute sa famille. Le seigneur de la peur recula de 10 pas et tira son poignard du fourreau. Dame Couarde se leva, laissant glisser son lièvre qui se blottit sous ses jupons. « Taisez-vous, Péronnelle, et revenez autour de moi. Cette sotte timidité m'a fait une frayeur. La première que j'entends, je l'enferme dans le cabinet noir. » À cette épouvantable menace succéda un silence de mort. « Ah ça, que viens-tu faire ici, petite ? dit entre deux frissons le seigneur de la peur. Par la chasse Saint-Landry, dit Mitaine en mettant les poings sur les hanches, il faut avouer que vous avez une singulière façon de recevoir les gens. Je n'ai reculé devant rien pour vous voir. Ma persévérance méritait un meilleur accueil. Tu ne réponds pas à ma question. Que viens-tu faire ici ? T'en chasser. En entendant ces mots, le châtelain se fit si petit qu'on eût dit qu'il avait à moitié disparu sous terre. Dame Couarde se perdit dans son fauteuil, derrière lequel ses filles se blottirent. « Imprudent ! Balbutia la peur, qui tremblait à perdre l'équilibre. « Oses-tu bien me braver ainsi ?»« En juger par ton attitude, reprit Mitaine en riant, je n'ai pas grand mérite à cela. » « Tu parais douter de ma puissance. Tu mériterais que je t'en fisse ressentir les terribles effets. » Le seigneur ne prononça pas cette phrase sans quelque difficulté. Sa langue était à moitié paralysée. « Tu n'as aucun pouvoir sur moi, et tous les ridicules épouvantails que tu as fait lever sur mes pas depuis hier mériteraient d'être hués et rien d'autre. » « Mon nom fait trembler l'univers. »« Tu calomnies l'univers. Parce que quelques esprits débiles te permettent d'élever la voix, tu te crois maître du monde. Sors au grand jour de ta tanière et tu verras comme tu seras reçu. »« J'ai pour moi les femmes. » »« Tu ne les as pas pour toi. Quand elles t'entrevoient, elles ne peuvent, à la vérité, réprimer un mouvement de dégoût bien naturel. » Un insecte, une ombre, un bruit inconnu les fera frissonner. Mais qu'un danger sérieux se présente, qu'un grand sentiment les anime et chrétienne, elles iront à la mort, comme les martyrs. Épouses, elles suivront les guerriers au combat comme les Gauloises. Mères, elles disputeront leur enfant au lion. Elles iront enfin à l'immortalité comme Judith, comme Lucrèce, comme sainte Geneviève. « J'ai du moins pour moi les enfants. Ce petit peuple m'obéit. »« Et c'est à moi que tu oses dire cela ? Il faut avouer que tu élèves presque l'impudence au niveau du courage. Les enfants, moins que tous les autres, t'obéiraient si des gouverneurs coupables, des parents maladroits, ne te les livraient pas. On les menace du cabinet noir et l'on a soin de t'y enfermer avec eux. On les menace du loup. » Romulus et Rémus tremblaient-ils à l'approche de leur fauve nourrice ? Je ne suis qu'un enfant, mais je sais ce que tu vaux, et par la chasse Saint-Landry, je te défie bien. » Mitaine entendit de sourds murmures, et elle remarqua une grande agitation parmi les morts. Au bout de chacune des innombrables galeries qui aboutissaient à la salle où ceci se passait, elle aperçut de pâles clartés qui paraissaient approcher. À mesure que ces lueurs devenaient plus distinctes, le crapaud perdait de son éclat et il commençait à s'agiter inquiet sur son piédestal. Le sire de la peur paraissait plus tremblant qu'il ne l'avait encore été. Ses dents faisaient entendre un bruit de castagnette et il s'y reprit à trois fois pour prononcer deux paroles. « Tu as tort de nier mon pouvoir. Tous ceux qui m'entourent l'ont reconnu. »« Ils en ont honte aujourd'hui, » s'écria Mitaine. Et s'adressant à eux, « Pouvez-vous bien accepter un pareil maître ? Il vous suffit d'avancer pour le faire rentrer sous terre, lui et son ignoble lignée. Vos cœurs ne sont pas morts, ils ne sont qu'engourdis. Faites un effort, lancez-vous sur ce monstre. » Je vous montrerai le chemin. » Les morts laissaient retomber leur linceul, et l'on vit des légions aux armures rouillées tirer l'épée du fourreau. L'alarme poussa son cri, auquel répondirent le sire de la peur, Dame Couarde, la crainte, la frayeur, la terreur, la timidité, l'épouvante, l'appréhension, la faiblesse, la pusillanimité, la poltronnerie et la lâcheté. On vit et l'on entendit alors de bien étranges choses. Les bas-reliefs se mirent en mouvement et commencèrent sur la surface des piliers leur danse macabre, accompagnée de clameurs effroyables. Le tonnerre se mit à gronder, et des crevasses profondes meurtrirent de tous côtés les murs et le plafond. La terre s'ouvrit avec des craquements assourdissants. Les oiseaux de nuit effrayés se mirent à voler en tous sens, ne sachant que devenir. Le crapaud éclata avec un bruit épouvantable, et Mitaine se trouva dans l'obscurité. Elle n'y resta pas longtemps. De seconde en seconde, les galeries perdaient de leur profondeur. Le jour approchait à grands pas. Ses premiers reflets argentèrent son armure. Un formidable chant de coq se fit entendre, et, comme s'il n'attendait que ce signal, les murs s'en allèrent en fumée. Mitaine demeura muette de surprise. Qu'elle lui parut belle la campagne, qu'il lui parut beau le soleil et le vent du matin, comme il caressait doucement son visage. Elle tomba à genoux et dit de grand cœur sa prière, je vous assure. Les champs étaient tout bariolés. On eût dit la carte d'échantillons de la flore universelle. Les oiseaux étaient de la partie. Jamais ils n'entonnèrent une plus joyeuse aubade. Il ne restait rien du château qu'un souvenir déjà confus. Quand Mitaine eut fini sa prière et qu'elle se fut relevée, elle vit auprès d'elle un vieillard et une jeune femme qui la contemplaient d'un air attendri. Ils étaient à quelques pas de l'enfant, et cependant elle les distinguait à peine. Un brouillard léger les enveloppait. « Qui êtes-vous ? » dit Mitaine. « Des amis reconnaissants. Tu nous as délivrés de la peur qui nous retenait ici. Voilà longtemps que nous avons cessé de vivre. » Et grâce à toi, nous allons pouvoir embrasser une fois encore ceux que nous avons quittés brusquement. Mon fils qui t'a donné hier l'hospitalité est le mari de cette belle fille. C'est aujourd'hui la fête des morts et le Dieu de bonté a permis que nous passions cette journée sur la terre. Tous ceux que tu as délivrés vont te faire escorte jusqu'au camp de Charlemagne et lui porteront témoignage de ton grand courage et de ta belle conduite. » Mitaine vit arriver de tous côtés des chevaliers dont les armures étaient en partie rongées par la rouille. Il y en avait de tous les âges et de tous les pays, le plus grand nombre à cheval. Des femmes, des enfants suivaient ce cortège. Leurs pas ne faisaient aucun bruit, ne laissaient aucune empreinte. Ils étaient diaphanes et comme perdus dans une vapeur à laquelle le soleil prêtait des effets d'opale. S'étant rangés en colonne, ils se mirent en marche. Mitaine traversa les sites qui lui avaient paru si effrayants la nuit. Le pont de pierre jeté sur le torrent, la muraille couverte de lianes et cachée à demi par le feuillage des acacias, la forêt de bouleaux, tout, maintenant que le soleil brillait, lui semblait gai à miracle. Elle appela près d'elle le vieillard qui lui avait parlé et lui demanda quelles étaient les tortures qui l'avaient si fort indignée. « Ce sont les salles des cauchemars, mon enfant, » lui répondit le mort. « Le seigneur de la peur ne laisse aucun répit à ses victimes. Il s'entend avec le sommeil qui les lui livre sans défense. » Les incubes, les succubes, les vampires, les éphialtes, les goules composent son redoutable état-major et président au supplice. Tu les as vus à l'œuvre, je n'ai pas besoin de te faire leur portrait. Qui peut nous mettre à l'abri de leurs attaques? Une conscience pure et un bon estomac. Au bout d'une heure de marche, Mitaine aperçut la cabane où elle s'était arrêtée la veille. Le paysan était sur le seuil entouré de ses enfants. « Béni soit Dieu, » dit-elle, « pauvre vieillard, ta vue affaiblie ne te permet sans doute pas de distinguer encore ton fils. Mais toi, femme, tu le vois, n'est-ce pas ? Nous ne l'avons pas perdu de vue depuis notre départ, » dit l'épouse. « Il n'y a pas de distance, il n'y a pas d'obstacle pour le regard des morts. » Le laboureur tourna la tête, vit le cortège qui s'approchait et reconnaissant Mitaine, il poussa un cri de surprise. se leva et se mit à courir au-devant d'elle. À moitié chemin, son regard rencontra son père et sa femme, et, foudroyé par la joie, il tomba à genoux, tendant les bras vers eux. Il voulait parler et ne trouvait dans le langage terrestre aucune expression qui fût digne de rendre la joie infinie qu'il éprouvait. Il n'osait plus faire un mouvement de peur de mettre en fuite ce groupe aimé qui lui apparaissait. Quand il eut acquis la certitude qu'il n'était pas victime d'une illusion, de douces larmes remplirent ses yeux et, joignant les mains, il toucha la terre de son front en murmurant « Seigneur, Seigneur, que vous êtes bon et que je vous aime !» Je renonce à vous décrire la joie de ces trois êtres que la mort était, pendant quelques heures, impuissante à séparer. La mère dévorait ses enfants de caresses. Le laboureur, aussi chargé d'années que son père, ne pouvait pas s'arracher de ses bras. Leur barbe blanche se confondait à chaque embrassement. Ce premier élan de tendresse apaisé, tous trois se retournèrent vers Mitaine et lui baisèrent les mains. Qui vous en pourrait dire plus que le spectacle de cette joie que nous vous devons, cher enfant ? Ajouta le père. Et puis, vous ne savez pas, reprit le laboureur, mon pauvre petit qui avait perdu la raison est depuis l'aube le plus avisé de la bande. Aussi, il n'y a ni saint ni sainte dans le calendrier pour lesquels j'ai plus de dévotion que pour vous. Mitaine ne s'arracha pas sans effort aux démonstrations de reconnaissance dont elle était l'objet. Elle demanda son cheval, que la veille elle avait confié à son hôte, et partit au galop, suivie de son fantastique cortège. Il était 6 heures environ quand Mitaine aperçut au loin le camp de Charlemagne. Les sentinelles de grand garde, voyant à l'horizon une nuée de fer vêtu qui arrivait à toute bride, se replièrent et donnèrent l'alarme. « Qu'est-ce que cela ? » dit l'empereur. « Quels gens nous tombent sur les bras ? Miton, montez à cheval, faites-vous escorter et allez reconnaître ces nouveaux venus. » En un instant, le camp fut sur pied. Chacun devait tirer le haubert, lacer le haume, prendre la lance et se mettre en selle. Miton choisit 30 chevaliers montés sur chevaux couverts et il partit avec eux. « Par la Pâque !» se disait-il, « voilà de singulières gens. En juger par leur taille, ils ne doivent pas être loin et cependant j'ai peine à les distinguer. Les vois-tu mieux que moi, Jean le Rouge ?»« Ma foi, non. Ma surprise était la même que la tienne. Mais... « Ne voilà-t-il pas un page aux couleurs impériales qui chevauche à leur tête ?»« Mort de ma vie ! Mais c'est Mitaine qui nous vient là !» Et Miton joua si bien de l'éperon qu'il fut en 3 minutes dans les bras de sa fille. Les morts firent halte. Étonnés, les 30 chevaliers s'arrêtèrent aussi, cherchant à calmer leurs chevaux qui flairaient la terre, soufflaient à naseaux dilatés, battaient le sol du sabot, hennissaient comme s'ils allaient mourir. Quels sont ceux-ci que tu nous amènes ? Ceux que j'ai délivrés, dit la petite. Délivrés ? Comment cela ? Je vous le dirai devant l'empereur. Le soleil est bien bas déjà. Nous n'avons pas de temps à perdre. Miton et ses 30 chevaliers, Mitaine et sa fantastique escorte se dirigèrent vers le camp. Charlemagne, entouré de ses pairs, vint au-devant d'eux. Par Saint-Jacques, voilà des gens qui n'ont pas l'air d'être de ce monde. Si je ne suis pas fou, c'est ma filleule qui les commande. Mitaine mit pied à terre et attendit que son royal parrain l'interrogeât. Ah ça, te voilà, petite, quelle folle équipée! Sais-tu bien que j'aurais sujet de te faire un mauvais accueil? Mais je l'avoue, je n'ai pas la force de te gronder, tant je suis aise de te revoir, et tant j'ai hâte de te demander quels sont ces étrangers qui t'accompagnent. Parrain, ce sont mes prisonniers. Et les morts inclinèrent jusqu'à terre la pointe de leurs armes pour rendre hommage à l'enfant. Mais enfin, d'où viennent-ils? Es-tu allé les chercher dans l'autre monde? Ma foi, sire, je crois bien y avoir passé la nuit dernière. Alors Mitaine conta son voyage en peu de mots à Charlemagne, ainsi qu'aux évêques, pères et barons qui l'entouraient. Viens ça, que je t'embrasse, douce jolie. Je t'ai promis quelque chose, ce me semble. Qu'est-ce que c'était donc? Vous m'avez promis, mon parrain, de demander à Roland de m'accepter pour écuyer. C'est Roland que je récompense en lui faisant un pareil cadeau. Qu'en pensez-vous, mon neveu? Pour toute réponse, le preux prit Mitaine dans ses bras et l'embrassa. La petite, rouge de plaisir, se tourna du côté de son escorte pour la remercier. Les morts avaient disparu. Charlemagne alors mit un genou en terre, tout le monde l'imita, et Turpin dit à haute voix les prières des trépassés. Ainsi se termina l'expédition que Mitaine avait entreprise. Je voudrais vous dire que le château de la peur fut détruit pour toujours, mais, historien fidèle, je dois avouer qu'il était reconstruit le même soir. Vous rencontrerez certainement un jour ou l'autre le seigneur de la peur, mes chers enfants. Évoquez alors le souvenir de Mitaine, et n'oubliez pas que le monstre n'a d'autres armes que celles que vous lui abandonnez, d'autres puissances que celles que vous lui attribuez, d'autres courages que celui que vous perdez. Fin de la troisième partie, suivie de l'épilogue. Roncevaux.